بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة الأحقاف هنا passé سورة الجاثية car la masala qui s'y trouve elle est mukarrara elle se répète c'est le fait que Allah oublie et le fait d'oublier vous le savez c'est le sens de délaisser فقال في المسألة الخامسة والستين بعد المئة في قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم والسنس والله dit c'est-à-dire Mohammed que je ne suis pas une innovation c'est-à-dire une chose nouvelle parmi les messagers et je ne sais pas ce qu'il sera fait de moi ni de vous c'est-à-dire ce qu'il en adviendra de moi ni de vous verset 9 قال رحمة الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه عالم بأن مصيره إلى الخير ويقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة Donc ce noble verset laisse entendre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas qu'est-ce qu'il en adviendra de lui, où est-ce qu'il finira. Et d'autres versets, ou un autre verset, est venu démontrer qu'il est parfaitement connaisseur que son aboutissement sera au bien. Il finira dans le bien. C'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, pour que Allah te pardonne ce que tu as commis comme péché et que tu commettras par la suite. Sourate Al-Fath, verset 2. Donc, dans sa parole, lorsqu'il dit ce qui viendra par la suite, est un texte clair qui démontre qu'il aura une bonne fin. Car cela lui est déjà pardonné. Donc là, comment joindre entre les deux versets ? قال والجواب ظاهر وهو أن الله علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه. La réponse tout simplement c'est que Allah Azza wa Jal lui a enseigné cela après qu'il ne le savait pas encore. C'est une chose qu'il a appris par la suite. Sallallahu alayhi wa sallam. قال يستأنس له بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم. Et également, ce qui confirme cette parole-là, le verset dans le sens où Allah dit et qui t'a enseigné ce que tu ne savais pas. An-Nisa, les femmes, verset 113. Wa qawlihi ma kunta tadri ma al-kitab wala al-iman walakin ja'alnahu nura. Et dans le sens où il dit que tu ne savais pas qu'est-ce qu'était le livre ni la foi et nous avons fait une lumière. Shura, consultation, verset 52. Wa qawlihi wa wajadaka dhalan fahada qu'il a trouvé dans l'égarement puis il t'a guidé. Ad-Duha, verset 7. Et là, Tambi, par rapport à ce verset-là, non pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était égaré dans le sens qu'il était perdu, mais du fait, là, Ad-Dhal, c'est une personne qui ne connaît pas une chose. Ça peut être une personne qui ignore une chose. C'est-à-dire des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait avant que la révélation ne soit parvenue, et que par la suite, il a reçu la guidée, c'est-à-dire de la clairvoyance sur la voie à suivre. Et non pas qu'il était dans un égarement évident du fait qu'il était comme les autres personnes. Wa fi qawlihi ta'ala wa ma kunta tarju an yulqa ilayka al-kitab illa rahmatan min rabbik. Dans le sens où Allah dit et que tu n'espérais pas que le livre te soit accordé si ce n'est par miséricorde de ton Seigneur. Al-Qasas, verset 86. Les contes. قال وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة أنها منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم. Et là cette réponse va dans le sens de ce que a dit Ibn Abbas et autres parmi les mufassirin que le verset c'est-à-dire tu ne sais pas que ce qu'il adviendra de toi ainsi que les autres, ce verset était abrogé par le verset où Allah dit qu'il te pardonnera, que Allah te pardonnera ce que tu as commis comme péché auparavant, ce que tu commettras par la suite. Donc ce verset-là abroge le précédent. Ala qawl. قال ويدل له ان الاحقاف مكيه وسوره الفتح نزلت عام 6 في رجوع عيسى صلى الله عليه وسلم من الحديبيه. Parmi ce qui prouve justement cette abrogation, c'est que justement l'Ahqaf, le verset qui est le sujet de la mas'ala, c'est l'Ahqaf, c'est une sourate qui est mekkiya, qui est descendue à Mekka. Alors que l'Fath, elle est descendue la sixième année, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà installé à Médina, lorsqu'il revenait de Hudaybiyah. Donc le verset est venu après le premier, ce qui prouve qu'il l'abroge. قال واجب بعض العلماء بان المراد وما ادري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع وعليه فلا اشكال والعلم عند الله تعالى. Et d'autres ulama, ils ont fait une autre jonction entre les deux versets en disant en fait que le sens du verset je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ainsi que de vous, il veut dire en fait dans cette dunya comme événements qui surviendront par la suite, je ne sais pas ce qui se passera par la suite ni pour moi ni pour vous. Donc là, selon cette interprétation, il n'y a pas de problème entre les versets. Wa hadha wa alladhi dhakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.